Sixième race et solitude, partie 2. Donc, à présent, ça va être la deuxième partie d'un enregistrement qui est en lien avec un échange que j'ai avec un auditeur qui s'appelle Francis. En fait, pour éviter de le confondre avec le Francis qui s'occupe de la chaîne Oser changer, qui parle de conscience, qui va aborder des thématiques en lien avec la conscience supramentale, et comme c'est un milieu qui est petit, eh bien, Francis, auquel je fais allusion, étant donné que dans l'un de ses messages, il avait signé en bas « Francis de Montréal », donc, pour éviter de le confondre avec l'autre Francis, je vais tout simplement faire référence à lui là, comme étant Francis de Montréal. Donc, ça va éviter la confusion. Pour les gens qui prennent connaissance de la capsule présente et qui n'ont pas écouté la première partie, bien, c'est sûr que je vous propose de le faire dès maintenant, où il était question de la sixième race et de la solitude, en ce sens que les gens... Ce qu'il me disait Francis, qui appartiennent à la sixième race, c'est-à-dire les gens qui vivent d'une conscience vibratoire, eh bien, ces gens-là vont vivre la solitude de leur conscience. Et par rapport à ça, bien, suite à l'enregistrement, bien, j'ai échangé avec lui par courriel, et comme ça a amené des points intéressants, bien, j'ai décidé là, de faire une capsule audio là, en lien avec ce sujet-là. Et donc, en même temps aussi, c'est l'occasion de lui donner un petit peu un doigt de réplique parce que dans le courriel que j'ai fait la lecture dans la première partie de la capsule de Francis, il aborde le sujet de la sixième race, de la solitude. Par la suite, dans l'enregistrement audio, je commentais son propos, donc dans la première partie. Par la suite, on a eu un échange de nouveau en lien avec le même sujet. Et là, je vais vous partager les éléments significatifs que je trouve là, par rapport à cet échange-là, pour que les gens du public à qui ça intéresse puissent en bénéficier là, naturellement. Donc, en fait, dans le dernier échange que j'ai eu avec lui, où ce qu'il me disait que les gens qui sont conscients sont seuls, j'avais écrit ceci. « Je suis curieux de t'entendre à savoir à quoi te sert de vivre sur Terre dans un collectif présentement. » Là, il me répond « À rien. C'est pour ça que je ne vis pas dans un collectif. » Plus loin, vivre ne sert à rien. Vouloir servir est 100% astral, servir la messe, servir son prochain, servir les autres. Bref, tu vois ce que je veux dire. Non, David, vivre ne sert à rien. C'est juste si tu penses que tu veux que ça serve. Dès lors que tu ne penses plus, alors tu ne penses plus à ça. C'est la même chose que la notion du début ou de la fin des temps. Bernard. Donc, fait référence ici à Bernard de Montréal, nous l'a dit dès le début. Ça donne une notion du début. Il nous l'a dit dès le début. Ça n'a pas commencé l'univers. Vois-tu, David, la merde que ça fait de penser. Ça fait apparaître des affaires qui ne seraient jamais là si nous ne pensions pas. Ça va très loin. Donc, j'arrête ici. C'est sûr que la question que je pose, parce qu'il parle de la conscience, c'est seul. J'ai dit, ouais, mais à quoi ça sert de vivre sur Terre? Lui, c'est sûr qu'il me dit que ça ne sert à rien. Puis on n'a pas à servir. Donc, l'idée que quelque chose doit servir à un autre est distinguée que la réflexion. Dans un sens, l'univers ne sert à rien parce que l'univers existe d'une manière intrinsèque. Si on cherche à vouloir trouver un sens à l'univers, ben là, on tombe dans de la réflexion de l'ego ou de la rationalisation, dans un sens. C'est comme la personne, par exemple, qui vit un accident d'automobile, qui va dire, ben l'accident d'automobile me sert à développer une capacité de fonctionner autrement. Si, par exemple, la personne fait un accident automobile par l'usage d'un membre, bien, elle va utiliser d'autres membres ou d'autres capacités qu'elle n'utilisait pas. Un peu comme, par exemple, la personne que j'avais déjà discuté qui est non-voyante. Bon, elle avait développé une certaine capacité psychique à percevoir les gens pour compenser le fait qu'elle ne voit pas les gens avec ses yeux physiques. Donc, elle avait développé une capacité de très grande perception des gens sur le plan émotionnel. Donc, un ressenti peut-être un peu plus développé que la vue physique pour compenser. Donc, une capacité de voir l'autre sur le plan émotionnel, sur le plan de ses vibrations, sur le plan de ses énergies. Ça, c'est un élément. Et là, ça se peut que vous entendiez dans les prochaines minutes ma fille en arrière-plan, étant donné qu'elle est proche de moi. Donc, c'est la vie de famille qui court, là, en dépit que je fais mes enregistrements, là, naturellement. Donc, je continue l'échange avec lui. Là, je réponds, mais alors que la conscience, que tu dis que la conscience se vit dans la solitude, là, je dis, pourquoi que tu parles que ça se vit dans la solitude? À un moment donné, j'échange avec lui en disant, pourquoi que tu communiques avec moi par courriel si ça se vit dans la solitude? N'est-ce pas là une forme de paradoxe, de contradiction? Parce que, tu sais, je dis à mon interlocuteur qui dit qu'il vit sa conscience seule, bon, mais j'ai dit... Si tu vis ta conscience seule, pourquoi que tu prends la peine de m'écrire? Puis ça fait plusieurs mois qu'il m'écrit, là. Il m'écrit les longs courriels. Bon, mais là, je vais donner un peu le après avoir dit ça, là, je vais lire un peu son message. Il me dit ceci. On n'a pas le choix de vivre dans la solitude. Ça le fait tout seul. Dès lors que l'on se déstralise, ça le fait, on le voit. On devient un peu seul dans sa conscience et on panique. Bernard, lui, est juste rendu plus loin que nous dans cette épuration, mais c'est la même affaire. L'ego déteste ça, sentir qu'il n'appartient plus à sa communauté. Ce que j'appelle ici cinquième sous-race mère. Là, il me dit... Parce que là, tu sais, je dis, ben, t'échanges avec moi par courriel. C'est sûr que l'ego, être dans la solitude, l'ego n'aimera pas ça. Dans un sens, tant que l'ego est attaché au collectif puis se définit à travers les autres, défini à travers l'identification à la famille, identification à un peuple, identification à une équipe de foot, une équipe de hockey, ainsi de suite. Puis là, moi, ce que je dis avec lui, ouais, mais si l'ego a à vivre dans la solitude, pourquoi t'échanges par courriel avec moi, comme je disais il y a quelques instants? Il dit ceci. Je suis dans ma solitude quand je change avec toi, David. Et écoutez, mais je suis aussi dans ma solitude si j'écoute tes enregistrements, David. D'ailleurs, ceux qui me sortent de ma solitude, je les écoute pas. Ton blabla me sort de ma solitude car me le force à intervenir pour corriger. Alors, soit j'interviens pour demeurer dans ma solitude, ce que je fais parfois avec toi si j'en ai la vibration, ou soit je m'en vais ailleurs afin de préserver ma solitude qui va dire mon lien au double. Ma cosmicité, j'aime bien dire. Ben là, il est très critique avec moi. C'est un individu exigeant. Il veut que je fasse des enregistrements où ce que je véhicule une vibration à caractère impersonnel. Puis il dit, lorsque je me raconte, lorsque je réfléchis, là, ça me sort de ma solitude. Et il apprécie pas ces enregistrements, puis là, il arrête d'écouter ça. Mais moi, je serais curieux de l'entendre dans un enregistrement pour voir si à un moment donné, dans l'enregistrement, il se réfléchit pas. Donc, s'il fait à un moment donné un enregistrement audio, là, puis les auditrices, auditeurs pourront regarder s'il se commet à ce niveau-là en visant à faire un enregistrement qui véhicule une vibration impersonnelle, on verra bien là, qu'est-ce qu'il y en est. Là. Mais dans le fond, lui, ce qui est particulier, ce qu'il me dit, parce qu'il dit que dans le fond, quand il écoute de mes enregistrements, ça lui permet d'être dans sa solitude. C'est sûr que si quelqu'un, par exemple, produit un enregistrement où sa conscience individuelle s'exprime, puis il y a une vibration impersonnelle qui est véhiculée, dans le fond, c'est pas un mouvement de l'ego qui va chercher à parler ou à communiquer en réfléchissant. C'est plutôt un mouvement où ce que la personne reçoit canalise une vibration impersonnelle qu'elle véhicule à travers la parole. Donc, c'est un mouvement énergétique très différent. Probablement qu'il apprécie les gens qui... Parce que lui, il fait souvent une référence qu'il écoute Bernard de Montréal qui va véhiculer ça. Donc, ça le maintient dans un état de solitude, c'est-à-dire en état d'unité avec la dimension impersonnelle auquel... Celui qui s'exprime fait écho en lui en véhiculant la vibration impersonnelle de son être qui est en réalité la même dimension. Dans un sens, comme Bernard de Montréal parlait, c'est-à-dire que dans une conscience vibratoire, dans une conscience impersonnelle, il y a une unité de conscience qui peut être vécue où la personne va entrer sur le plan de la symbiose énergétique avec l'autre, d'une communion psychique entre les deux êtres, s'appuyant sur une captation d'une même vibration qui est une et qui est également acausale. Parce que tantôt, il y a des questions qu'il n'y a pas de cause. Et si on part du principe que, à quelque part, l'esprit existe parce qu'il existe, parce qu'il est, l'ego n'a pas réfléchi à la nature de sa cause ou s'il est utile ou non au développement ou à l'évolution de l'esprit, parce que l'esprit existe d'une manière intrinsèque. Donc, l'ego n'a pas se cassé la tête par rapport à ça. Il n'a composé avec un tout qu'il ne peut pas cerner, servir, saisir intellectuellement. Donc, je continue à lire. Encore une fois, si la conscience se vit dans la solitude, moi, c'est moi qui dis ça, là, je dis, pourquoi tu m'écris? Il dit, ce n'est pas que la conscience se vit dans la solitude, David, c'est que la conscience, c'est de la solitude, point. Il n'y a aucune conscience sans solitude, puisque le double ne peut pas vivre s'il n'y a pas de solitude en soi. S'il y a trop des autres en soi, le double n'est pas là. Donc, j'arrête là. Dans un sens, la conscience avec un grand C, c'est de la solitude parce qu'il n'existe qu'une seule conscience qui est acausale, qui est au-delà de la temporalité, du présent, passé, futur, au-delà des distances ici et là, parce que la conscience englobe tout. Donc, à ce moment-là, cette conscience-là, dans ma compréhension, est un vaste champ quantique qui est difficilement conceptuel, zèbre par l'ego qui se réfléchit. Par contre, ici, il va parler de son lien au double. Donc, il dit, le double n'est pas là. Le double, c'est quoi en réalité? Le double, en réalité, dans l'absolu, si on y va avec le principe que la conscience est seule, la conscience c'est de la solitude, la notion de double, à quelque part, dans ma compréhension maintenant, n'existe pas. Parce que pour que le concept de double existe, ça prend deux choses. Il y a une unité, puis il y en a une autre. Alors que de la conscience unitaire, c'est tout simplement que l'individu devient à ce moment-là le prolongement d'une conscience qui est une. Il n'y a pas de double là, impersonnel qui se rattacherait à un individu. Là, à ce moment-là, c'est une compréhension de la conscience comme étant un choix de la solitude en tant que champ de déploiement. Là, je continue mon échange avec lui. Je dis, pouvons-nous réellement être intelligents seuls? Parce que lui me confrontait en disant, la conscience, c'est tout ça, c'est quelque chose qui est de la solitude. Puis moi, je disais, comme Bernard de Montréal disait, on n'est pas intelligent tout seul. Puis j'ai dit, si tu échanges avec moi, c'est parce que quelque part, tu dois bénéficier de ça, parce que sans ça, tu le ferais pas. Puis là, dans l'échange, il me dit ceci, il dit, pouvons-nous être réellement seuls? Il dit pas sans son double. Là, j'écris ceci, et si on peut être intelligent tout seul, à quoi ça sert de vivre au sein de l'humanité? Là, il me dit ceci. Un homme conscient ne vit pas au sein de l'humanité, David. Je ne vis pas au sein de l'humanité. Il faut se sevrer de ce sein-là. Là, il faisait comme référence au sein d'une femme. David a fait de devenir un homme cosmique sixième race. Les troubles existent juste ici et quand on y pense. Penser est une astralisation. Ça ne se pense pas, David. La conscience, on projette en pensant pour essayer de savoir c'est quoi l'affaire, mais c'est qui nous fourre pas parce que la conscience n'est pas dupe. Elle sait ce que l'on fait. Alors, elle nous coupe dès qu'on utilise des trucs astro-atlantes de cinquième race. On est des malades, man. Donc, il m'écrit ça, hein? Mais... là, on entend ma fille en arrière-plan. Là, il dit, un homme conscient ne vit pas au sein de l'humanité. C'est-à-dire qu'il a composé avec son environnement. Il n'est pas au service du sein de l'humanité. Il n'en est pas l'esclave dans le sens d'une, une affiliation psychique subie par rapport à une humanité qui est vécue d'une manière inconsciente. La personne peut avoir une conscience observatrice de l'humanité, une certaine forme de recul psychique. Puis là, il me dit que quelqu'un qui est conscient, c'est sûr qu'il ne pense pas. Mais oui, il ne pense pas. Quelqu'un qui est un avec l'énergie, il ne pense pas parce qu'il devient à ce moment-là le vecteur de l'énergie. Ça, c'est ma compréhension que j'en ai. Dans un sens, on peut dire que la conscience est une de l'individu qui se laisse être sans réfléchir. Il est en état de symbiose, d'unité, non-dualité. D'ailleurs, dans le processus de la réflexion, il y a la dualité. Il y a quelque chose de la pensée qu'il reçoit, puis il y a quelque chose en lui qui a réfléchi, qui l'interprète, etc. Donc, il y a une tension énergétique. Tandis que si la personne est en état de fusion avec la conscience, d'unité, la dualité prend fin. entre lui et quelque chose d'autre, ou quelque chose qui réfléchit, ou quelque chose qui sert à se servir, à se séparer du tout, c'est-à-dire l'ego réflectif. Bon, c'est ça qu'il avait à dire par rapport à ça. Sinon, en fait, ce que je voulais dire, tant qu'à faire, je vais profiter de l'enregistrement pour continuer en lien avec les commentaires qu'il m'a fait. Ben, j'avais fait un enregistrement il y a quelques jours qui s'intitule « Les priorités de vie ». Donc, c'était au mois de novembre 2023. Par la suite, il m'avait commenté. Il avait été très critique envers ma personne. Il me fait penser un peu à Marc Glassalle de son vivant. Donc, il me reprochait souvent de ne pas être assez vibratoire dans mes enregistrements, qui était très exigeant. Alors que dans mon enregistrement, j'affirme pas être vibratoire tout le temps ou être impersonnel tout le temps dans mes propos. Donc, il n'avait pas du tout aimé mon enregistrement. Puis pourquoi que je fais le retour là-dessus? Parce qu'il y a déjà des gens qui m'écoutent au fil du temps qui, des fois, ponctuellement, vont me dire « Ah, à ce moment-là, tu te réfléchis, tu n'es pas assez à vibratoire. » Ouais, mais je prétends pas de faire des enregistrements qui sont totalement vibratoires. Donc, une nuance à apporter par rapport à ça. Puis j'ai des gens auxquels j'ai été confronté qui sont super exigeants et qui, à quelque part, ils ont des attentes envers ma personne. Or, si vous avez des attentes avec ma personne ou envers le gouvernement ou avec peu importe telle personne, vous risquez d'être déçu. C'est ce que j'ai à dire. Il dit ceci. Ça me fait chier les gens qui, comme ma mère, cherchent l'équilibre en établissant des priorités. Il n'y a pas de tu dans tout ce que j'ai entendu. Il n'y a que le je fais ceci, je fais cela, je pense ceci, je pense cela. Donc, faire référence à mon propos, parce que dans l'enregistrement, les priorités de vie, c'est un enregistrement où, en tant qu'ego, je cherche à définir c'est quoi que je veux. Donc, lui, il n'aime pas ça. Mais le point que je veux faire, si l'individu ne prend pas les rênes de sa vie pour déterminer c'est quoi ses priorités dans sa vie, il va être charrié par les événements comme un navire sans gouvernail. Donc, l'ego à se définir par rapport aux événements. Certes, dans un sens, on peut dire que c'est de la réflexion. C'est de l'extériorisation du désir de l'ego qui veut, par exemple, être en santé. Il veut une vie de couple harmonieuse. Il veut que ça aille bien avec sa famille, ses enfants. Il veut de l'argent. Il veut une santé parfaite, ainsi de suite. Sauf que le point, c'est que si l'ego, dans son rapport à l'esprit, à la conscience, ne va pas définir ses besoins, ça se peut que ses besoins ne soient pas répondus. Certes, l'ego n'a pas à réfléchir compulsivement, continuellement à ses besoins. Dans un sens, trop être dans le désir extériorisé coupe la personne de l'esprit. Ça peut créer une forme d'opacité. Mais en même temps, si l'ego ne demande rien ou n'exige rien à l'invisible dans son rapport de force ou à l'occulte, ça se peut qu'il n'y ait rien. Lui, il dit, ou alors le rôle de l'individu pour définir le réel ego, juste là pour subir la dictée de l'esprit. Ben, en fait, il dit pas ça, là, mais ce que je veux dire en lien avec son propos, c'est que l'ego n'a pas juste à subir les dictées de l'esprit. C'est pour ça que je m'étais pris ça comme note. Il y a à définir le réel. Et ça, c'est une dimension pour ne pas atteindre passivement des choses, des plans. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont dire « Ouais, t'es philosophique dans ce moment-là, t'es réflectif. » Dans un sens, oui, parce que je donne la place à l'ego pour parler. Mais en même temps, si je parle pas, puis je suis juste dans le mode de réception, de canalisation d'informations, je deviens juste une courroie de transmission d'une vibration. Puis si je ne m'appropriais pas pour mon rapport à l'esprit pour répondre à mes besoins, bien, je peux souffrir de ça. C'est comme je pourrais faire des enregistrements qui vont durer 2 heures, 3 heures de temps où je fais des bouts de discours sur la santé. Mais si ma santé est de la merde puis j'ai un problème de santé important qui ne se règle pas parce qu'à ce moment-là, je suis pas dans un rapport de contestation à de l'esprit pour monter en vibration, pour trouver ou capter vibratoirement, ou amener l'esprit à me parler la solution à mon problème, bien, je vais souffrir longtemps de mon problème, dans le sens que si je suis une courroie passive, comme les médiums du passé. Donc, il y a des gens dans le passé qui ont des capacités psychiques, qui canalisaient de l'information pour des livres, pour des écrits. Si je pense à Chico Xavier, dont Elisabeth de Caligny sur YouTube a fait des enregistrements. Bon, mais cette personne-là recevait des contenus pour des livres, puis il travaillait très fort. Puis de ce que je comprenais, il ne se reposait pas. Puis sa vie, il vivait pas. Il vendait beaucoup de livres, mais il ne s'enrichissait pas avec ça. Il vivait dans une forme de pauvreté qui était subie. Donc, il faut contester l'esprit pour améliorer son sort. Ou les gens qui nous prennent pour acquis. Donc, si les gens apprécient les enregistrements, puis moi, je leur demande rien, alors qu'il y en a qui pourraient contribuer financièrement à ce que je paye mon compte Internet à chaque mois. Ou de répondre à d'autres besoins comme la nourriture, le logement. Ben, quelque part, c'est moi qui ne vois pas mes besoins adéquatement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que si vous aimez écouter mes enregistrements, comme je l'ai dit plusieurs fois au fil du temps, vous êtes les bienvenus à me faire parvenir une contribution financière. Donc, vous allez avoir d'ailleurs les informations en bas de l'enregistrement à présent. Pourquoi? Parce que si l'ego ne s'occupe pas de ses besoins, c'est pas nécessairement l'esprit qui va le faire. Et si l'ego subit tout simplement des dictées de l'esprit pour parler des sujets d'une manière impersonnelle, certes, ça va être plus vibratoire que l'ego qui peut être perçu comme s'apitoyant sur son sort ou qui critiquant ou qui cherche à clarifier ses besoins à voix haute. Sauf que si l'ego le fait pas, ben, si on demande rien, on n'a rien. C'est un principe dans la vie. Il faut que l'ego soit capable d'émaner, commander vibratoire de manière vibratoire à l'esprit, donc dans un rapport de force. Donc, c'est sûr que si quelqu'un écoute mes enregistrements dans l'optique que je canalise tout simplement passivement des enregistrements, ben, il va être déçu. Puis si je le fais, je me rends pas nécessairement service, dans le sens que si je fais des enregistrements, puis entre-temps, c'est pas les extraterrestres qui payent mon compte Internet, c'est pas non plus les anges, etc. C'est pas non plus le double. Ben, il faut que je crée à ce moment-là une affirmation en lien avec mes activités pour dire, par exemple, que s'il y a des gens qui bénéficient de mes enregistrements qui peuvent contribuer financièrement, il faut que je sois capable d'affirmer mes besoins aussi. Et je voulais faire cette mise au point-là parce que je sais que des gens qui m'écoutent. Et lorsque je demande des contributions financières, il y en a qui n'aiment pas ça. Ouais, mais c'est parce que moi, je suis pas dans le... Comment dire? Je suis pas dans la négation de mes besoins, un peu comme le prêtre religieux ou des moines qui font de vœux de chasteté et de pauvreté, qui sont dans une volonté sacrificielle dans le rapport à la conscience. J'ai pas cette notion-là et je trouve pas ça que c'est intelligent. Parce que la personne qui a une volonté sacrificielle dans son rapport à l'esprit... Ben à ce moment-là, ses besoins de base ne sont pas nécessairement répondus, puis la personne, tôt ou tard, en souffre. On continue à lire son propos. Il me dit ça, c'est du surf ce que je fais, mais dans une piscine de verre à vagues, alors que le surf doit se pratiquer en pleine mer, les enfants. C'est-à-dire que c'est l'intelligence qui doit contrôler ce que tu dis, fais et pense. Toi, es seul dans ton affaire. Il n'y a aucune volonté du double. On me faisait référence dans les premières 11 minutes de l'enregistrement qui écoutait. Il y a un ego qui se raconte, mais qui n'écoute pas son double. Il prêche la vérité, sa vérité, comme mon oncle Legault fait référence à François Legault. Il dit, vous utilisez l'intelligence pour vous dire, au lieu que ce soit l'intelligence qui vous dise pour se dire « elle ». Vous inversez les rôles. Donc, c'est ce qu'il me dit. Ben, par rapport à cette critique-là qui peut m'être faite, ce que j'ai à dire, c'est que l'ego a à dire ses besoins ou à s'exprimer ou à s'étudier. Puis il peut le faire à voix haute. Certes, il y a des gens qui vont voir derrière ça un mouvement réflectif qui est moins vibratoire qu'une captation énergétique instantanée, immédiate, qui provient de l'esprit canalisé. Sauf que le point, c'est qu'à quelque part, tout sert. L'ego peut... Il y en a qui vont dire « Ah, c'est toi qui te regardes dans le nombril en tant qu'ego dans ce type d'enregistrement-là. » Tu regardes si tu as de la mousse dans le nombril. Ouais, mais l'ego doit se regarder. Si l'ego fait juste... je vais vous donner une image très forte. C'était juste... L'ego sert juste à faire de la captation de l'esprit, puis il souffre d'une condition, puis il ne l'utilise pas, puis il ne la voit pas. Il n'en arrêtera pas de souffrir. Il faut qu'il soit capable d'être dans un principe où il va contester l'esprit pour que sa condition souffrante prenne fin. Présentement, au moment où je vous parle, j'ai un problème de peau au niveau du pénis. Un lichen sclérueux atrophique qui m'a amené à ce que mon urètre bouche, j'en ai déjà fait allusion. Puis je suis dans un rapport avec l'esprit où je conteste ça. Je suis en mode action pour trouver des solutions pour régler à mon problème. J'utilise présentement un dilatateur urétral 2 fois par jour, une kem pour adoucir la peau. Donc, je suis en mode action pour régler le problème. Parce que si j'attends que le problème se règle par magie, puis je fais rien... Bien, c'est sûr qu'il y a des chances qu'il ne se passera rien. Et c'est sûr que le travail que je fais dans mon rapport énergétique avec l'esprit, c'est de monter en vibration en contestation avec l'esprit pour utiliser la charge d'énergie de ma souffrance comme l'élément sur lequel m'appuyer pour aller chercher des réponses de plus en plus claires, de plus en plus précises par rapport à la souffrance que je vais vivre, par rapport à la souffrance que je vais éprouver en lien avec mon problème de santé. Donc, utiliser l'énergie comme carburant pour amener l'esprit à me parler intelligemment. Donc, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, il faut que l'ego, tôt ou tard, soit capable d'amener l'esprit à lui parler intelligemment pour lui amener des informations significatives par rapport à un problème. Et c'est sûr que l'ego ne doit pas juste, comme c'était le cas de médium dans le passé, de mystique, être tout simplement le réceptacle d'informations puis leur vie soit de l'hostie de marde. C'est ça que j'ai à dire par rapport à ça. Certes, l'esprit, dans le fond, je comprends son principe que si la personne se réfléchit tout le temps en ego et tout le temps demander des choses à l'esprit puis n'écoute pas ce qui émerge en elle en relation avec ses demandes, c'est un monologue réflectif de l'ego. Certes, ça sert à rien. Mais tout ça est subtil parce qu'il y a une distinction entre un monologue réflectif de l'ego qui fait juste se réfléchir par rapport à sa vie financière, sa vie amoureuse, sa vie dans sa relation à la santé, sa famille, versus un ego qui dialogue avec l'esprit, qui va lui donner des informations ou qui est en disponibilité interne pour laisser émerger des choses. Certes, je vais étudier certaines choses de ma vie, je vais parler des choses à haute voix, puis je vais regarder aussi qu'est-ce qui émerge pour pas être juste en vase clos. Comme beaucoup de personnes qui font juste réfléchir, ils font juste prier le bon Dieu en récitant des prières d'une manière mécanique, mais ils ne regardent pas ce qui émerge, entre guillemets, ce qui provient du bon Dieu ou de leur contrepartie cosmique en termes d'éclairage. Donc, l'intelligence de l'ego doit être utilisée pour être capable de se dire, se parler, s'exprimer en ses besoins. Donc ça, c'est la mise au point que j'ai à faire. Si lui cherche à entendre des gens d'une manière impersonnelle qui font juste parler, ben, il pourrait donner l'exemple et faire des capsules audio là-dessus. Moi, je suis curieux de voir il va durer combien de temps ou il fait juste ça dans sa vie. Parce que ça, il peut passer aussi à côté de problèmes de santé parce que quand on est occupé à faire quelque chose, comme par exemple recevoir passivement une vibration de l'esprit, on n'est pas en mode d'observation de l'ego ou de ses besoins ou de l'étude de ces derniers. C'est un petit peu comme quelqu'un, par exemple, qui se déplace en auto. Il est juste, impliqué en tant qu'ego à être un réceptacle de l'esprit qui va lui dire où se déplacer. Donc, aller à gauche, aller à droite. Donc, canaliser l'information en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs et que, un peu comme un auto-téléguidé, il reçoit de l'information qui provient de la source pour qu'il se déplace d'un point A à un point B. Si l'ego n'est pas attentif pendant qu'il fait ça, ben il y a peut-être un pneu qui est en train de dessouffler, qui à un moment donné va faire en sorte qu'il ne pourra plus rouler ou qu'il va faire une crevaison. Ou il y a une crevaison, puis le pneu est en train de se dessouffler, puis il ne réalise pas, puis il va faire un accident ou il va être obligé d'arrêter. Pourquoi? Ben parce qu'il ne surveille pas ses pneus, il n'observe pas. Il ne s'observe pas pendant le processus. Donc, il faut être capable de s'observer pendant le processus. Certes, des gens vont dire que c'est une forme de conscience réflexive, mais quelque part, il y a une nécessité derrière ça, parce que si on ne se voit pas aller, ben on peut souffrir sans s'en rendre compte, ou la personne réalise que ben finalement, il y a une artère de boucher ou l'urètre de boucher après un certain nombre de temps. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait preuve de vigilance, puis là, elle est confrontée à se faire opérer ou qu'il y a quelque chose de rapide qui se fasse pour régler le problème d'une manière urgente là, en rencontrant un médecin. Mais si quelqu'un est sensible à sa condition, autant physique que psychique, ce genre de problème-là n'existerait pas, n'arriverait pas si certains problèmes seraient réglés en mesure en lien avec une forme de sensibilité. Donc l'individu qui a une conscience, ça doit être multidimensionnel, à mon avis, là. Bon, je vais continuer par rapport à Francis, un autre échange que j'ai eu avec lui. Il dit pour moi, parce que juste c'est en lien avec le fait qu'il ne veut rien savoir de la réflexion, puis il n'a pas choisi d'être ainsi. Donc, je vais lire ce qu'il dit. Pour moi, soit que je vis dans ma vibration, je la suis, me confond à elle, et là, oublie tout ça, ce qui est réflexif, je ne peux plus. Perso, je suis obligé de ne plus baiser, de ne plus être en couple, de ne plus aller à telle ou telle place, de ne plus rien faire, quoi. C'est pas un choix. Je n'ai plus le droit de parler des flammes jumelles ni d'avoir ma chaîne YouTube, ni d'écrire. Rien. Ils ne veulent plus rien que je fasse. Rien, dans le sens de rien. C'est grave leur affaire, mais c'est ça. Il n'y a aucun choix là-dedans. Aucune intervention possible de ma part, puisque j'ai quitté ma personnalité. Tu ne peux plus le faire un moment. Ça me coupe tellement tout ce qui n'est plus vibratoire et qui est du réflexif que c'est immédiat. Ça fait mal en dedans, quoi. Ça coupe mon être, ça m'isole du double, du rayonnement. Je n'ai pas le choix. Ce n'est même pas un choix, c'est obligatoire. Ça ne se discute pas. Il n'y a rien pour moi d'intéressant dans la réflexion. Ça me tue, me coupe, m'isole. Je suis pas de ce monde-là, David, la cinquième race. Je suis pas... Comment te dire autrement? Donc, j'arrête ici. Lui, il dit qu'il ne peut plus réfléchir par choix. Mais c'est pas un choix parce que son taux vibratoire l'amène à être ainsi. Donc, c'est un raisonnement un peu circulaire. C'est comme la personne qui dit, ben, je peux pas être autrement que ce que je suis parce que c'est ce que je suis. Ou dans un sens, le raisonnement causal, il n'y a pas de cause à l'univers. Tout est là parce que tout est là, ça se réfléchit pas. Donc, si tu es de même parce que ça se réfléchit pas, ben continue à être de même. Donc, en lien avec son propos, ce qu'il dit, c'est qu'à quelque part, à un moment donné dans la vie de l'individu, il peut plus réfléchir ou s'intéresser à réfléchir à des choses, à certains comportements parce qu'il peut pas. C'est pas parce qu'il veut pas, mais parce qu'il peut pas, il en perd la capacité. Donc, l'idée, c'est que le passage à la sixième race, parce qu'il dit qu'il est plus de la cinquième race, donc ce Francis de Montréal, ben, ça devient de l'ordre que de la nécessité. Dans un sens, la question de la réflexion, un certain seuil se pose pas par rapport en lien avec ce qu'il dit. Donc, l'individu, dans un sens, il n'a pas à faire d'exercice pour arrêter de réfléchir, il ne peut plus. C'est comme quelqu'un qui ne peut plus aller à la chasse parce qu'il est trop sensible dans sa capacité de percevoir, par exemple, l'animal qui souffre lorsque la personne reçoit une flèche s'il fait du tir à l'arc. Et il ne peut plus y aller parce que la souffrance perçue de l'animal qui se fait abattre en recevant des flèches, à quelque part, il est trop empathique par rapport à la souffrance de l'animal, donc il ne peut pas en faire autrement, il ne peut pas agir autrement. Lui, il me dit, c'est la même chose pour le sexe, baiser, etc. Donc, si ça l'heurte énergétiquement, c'est comme la personne, à un moment donné, elle ne peut plus faire de bain de foule pour assister à un concert de musique rock parce que ça va l'agresser dans sa sensibilité. Donc, dans un sens, l'individu qui fait partie de la sixième race, il est seul, il se détache du collectif parce qu'il ne peut pas en faire autrement, parce que son rapport au collectif va l'heurter. Puis dans un sens, la conscience, c'est de la solitude, dans le sens que si la personne se branche à la conscience primordiale qui est derrière les mécanismes psychologiques, derrière les programmations, il y a une énergie qui est seule. Ça, j'en conviens. Il y a une seule énergie dans l'univers, comme il a déjà été dit, avec un coefficient d'individuation multiple. Et c'est pas un choix. Dans un sens, si la personne se comporte d'une certaine façon ou d'affirmer ses besoins parce que, comme je disais tantôt, parce que sans ça, la personne en souffre, ben, c'est pas un choix non plus, c'est une nécessité. Dans le sens que l'ego qui vit une tension énergétique parce qu'il souffre, par exemple, d'un problème de santé récurrent, de le parler ou d'agir en conséquence ou de chercher à contester l'esprit pour monter en vibration suffisamment pour avoir accès à un savoir qui va lui être utile pour régler sa problématique, à ce moment-là, ça devient de l'ordre de la nécessité. C'est pas un choix, ça sert à répondre à un besoin vibratoire qui est d'être bien dans sa peau. Donc, dans un sens, la personne n'a pas le choix de contester l'esprit, puis paradoxalement, elle peut être mise en vibration pour l'esprit, pour que l'esprit l'amène à la contester, pour qu'elle sorte d'une zone de réflexion, pour qu'elle monte suffisamment haute en vibration pour accéder à un savoir qui n'est pas de là, de l'opacité réflexive dans laquelle elle peut se situer. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il a écrit quelque chose en lien par rapport à la souffrance vibratoire que je vais lire. Ce que je pense, c'est que tout le monde qui est marqué pour finirait par avoir des difficultés importantes, David. Pas le choix. Ça marche de même. L'esprit nous manipule, il nous manipulera toujours pour nous faire décoffrer. c'est son travail et donc souffrir le privilège des élus. Bernard disait « Je souffrirai toujours plus que vous » et il a raison. Par contre, la souffrance n'est plus psychologique à un certain niveau, elle devient exclusivement vibratoire. Elle ne fait plus mal dans le sens psychologique et réel que je souffre en ce moment tous les jours. Je souffre parce que je suis trop opaque, pas assez fluide dans mon esprit. Je crisme. C'est juste ça le truc, non-acceptation de ce qui est. J'arrête ici la lecture. Ben oui, dans un sens, la souffrance, c'est de la résistance à ce qui est, ce qui est appelé à être, de la résistance au tout. Puis il existe la souffrance vibratoire, où la personne souffre, par exemple, d'une descente d'énergie qui la change, qui la transforme malgré elle. C'est une autre souffrance que la souffrance psychologique de l'ego qui souffre parce qu'il réfléchit à des désirs qui ne sont pas comblés. Par contre, la nuance est subtile entre souffrir d'un besoin qui n'est pas comblé, qui amène une transformation énergétique parce que c'est de l'ordre de la nécessité vibratoire qu'à un moment donné soit répondue, versus souffrir d'un désir non comblé par rapport auquel l'ego ne monte pas en vibration ou réellement en contestation de l'esprit parce qu'il n'est pas supporté par l'esprit pour contester l'esprit pour qu'il y ait un équilibrage énergétique entre deux parties de l'esprit qui s'expriment, c'est-à-dire un à travers l'ego puis un à travers la dimension impersonnelle qui se rapporte à lui, ce que certains vont appeler double ou la conscience éthérique. En lien avec ce qu'il dit, ben, c'est en continuité avec l'instruction Bernard, c'est-à-dire que des gens qui sont marqués pour avoir des difficultés importantes, pour souffrir, pour connaître une altération psychique en lien avec la souffrance qui modifie l'ego. Donc ça, c'est clair. Bon, je vais arrêter ici l'enregistrement, donc je vous remercie de votre écoute, et puis s'il y en a qui apprécient les enregistrements que je fais au fil du temps, vous êtes toujours les bienvenus pour me faire parvenir des contributions financières via les services de paiement qui sont sécurisés, que sont Interac et également PayPal, dont vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement. Sinon, bien entendu, je salue encore une fois Francis, avec lequel j'ai eu de nombreux échanges dans les derniers jours sur Internet, là. Sinon, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que s'il y a des gens un peu comme Francis qui ont de l'intérêt de m'entendre d'une manière parler d'une manière impersonnelle de conscience, en fait, sur mon autre chaîne qui s'intitule David l'évêque Supra, parce que j'ai deux chaînes sur YouTube, vous pouvez retrouver des enregistrements avec un arrière-plan, avec un fond d'image blanc sur lequel je vise à aborder des sujets de manière impersonnelle. Donc, des sujets où je ne vais pas parler en je-me-moi, où ce que je vais éviter de me raconter. Et cette chaîne-là, en fait, il y a plusieurs années, en fait, avant la chaîne de David Lev, je l'avais créée pour précisément aborder des sujets d'une manière impersonnelle. Donc, elle est toujours active, elle est toujours présente sur YouTube, donc vous pouvez y aller. Donc, s'il y a des gens qui veulent m'entendre dans cette optique-là, d'une manière très descriptive. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que là, ça fait un bon bout de temps que je n'y ai pas mis d'enregistrement. Je ne sais pas si je vais en faire de nouveau. Mon activité étant plus concentrée sur ma chaîne qui s'intitule David Lev. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. L'autre élément qui m'est venu en tête aussi, c'est que c'est comme l'explique Francis de Montréal, l'individu agit parce qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix. Et que quelque part, comme le mentionnait Bernard de Montréal, le libre-arbitre, c'est une illusion. Donc, si à quelque part, dans des enregistrements, je me raconte ou je fais de l'étude de mon ego en vue d'ajuster certaines choses, parce que ça veut dire que j'ai pas le choix d'être là dans mon développement. Par contre, quelqu'un d'autre n'a peut-être pas le choix d'être un autre endroit dans son développement ou de vivre autre chose. Donc, c'est ça le point qui peut être rajouté par rapport à ça. Donc, chacun vit des choses qui sont différentes c'est ainsi. Donc, ça prend tout pour faire un monde. Il y a différentes personnes qui ont différentes programmations, différents mandats, différents taux vibratoires. Et c'est ce qui permet de se définir en tant qu'individu par rapport à des différentiels énergétiques qu'on perçoit chez d'autres personnes de notre environnement, naturellement. Je vous remercie tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet enregistrement où je me permets de prendre en considération des commentaires qui sont parfois confrontants de la part de Francis, mais naturellement, je suis conscient que c'est dans l'optique, dans certains cas, d'amener la conversation plus loin, c'est-à-dire d'apporter des critiques constructives qui vont nous amener un peu plus loin dans la compréhension du réel au fil de ces échanges. Donc, à bientôt. Au revoir.